Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la bataille des Ardennes, le dernier coup de poker d'Adolf Hitler. J'ai vu comme une lumière faux rouge passer devant la fenêtre et directement en a tiré. Alors maman nous a crié de descendre dans la cave, de prendre ma petite sœur qui avait 12 ans, et nous sommes descendus dans la cave. Et alors, on est resté toute l'après-midi là dans la cave. On tirait tout le temps, sans interruption. Je vous assure qu'on avait peur. Le témoignage d'une Belge qui se rappelle en décembre 2009 à l'occasion du 65e anniversaire du déclenchement de la célèbre bataille des Ardennes, qui se rappelle donc de la peur qu'elle a eue à l'époque comme enfant au milieu de tous ces tirs. La bataille des Ardennes sera l'une des plus importantes et des plus meurtrières batailles de la Deuxième Guerre mondiale. Certains l'ont appelée la Stalingrad occidentale. Du 16 décembre 1944 au 28 janvier 1945, cette bataille de 40 jours fera 200 000 morts, blessés et disparus. La Belgique, terre classique des invasions. C'est sur son territoire que se font les poussées vers l'ouest. Sa position géographique et ses plaines en font malheureusement un admirable champ de bataille. Et dans l'histoire, les nations y ont souvent vidé leurs querelles et les chefs d'armée s'y sont affrontés avec leurs plans de campagne comme deux joueurs d'échecs devant les pièces de leur échiquier. Et c'est pourquoi von Rundstedt a frappé là où il a frappé. C'était la poussée logique vers Bruxelles, vers Sedan et la France. C'était la poussée en direction d'Anvers, en vue tout probablement de nos artères de communication. Mais après la surprise du premier choc, les Alliés se sont ressaisis. Ils ont contenu, puis bloqué la contre-offensive allemande. La bataille des Ardennes continue, et l'histoire dira peut-être qu'elle aura été un des grands moments névralgiques de cette guerre. La correspondance du journaliste canadien Benoît Lafleur le 3 janvier 1945 pour nous parler de cette bataille des Ardennes. L'historien britannique Anthony Beaver, l'un des plus grands spécialistes de la Deuxième Guerre mondiale. Anthony Beaver est dans nos studios de Londres. Monsieur Beaver, vous venez, je le signale, de publier justement un livre qui s'appelle « Ardennes 1944, le Watou d'Hitler », publié aux éditions Kalman-Lévy. Merci beaucoup, Anthony Beaver, d'être avec nous. On va revenir tout de suite, M. Beaver, sur cet extrait qu'on vient d'entendre. Benoît Lafleur qui pose la question dans le reportage qui est diffusé en janvier 45, et je le cite, « L'histoire dira peut-être qu'elle a été l'un des grands moments névralgiques de cette guerre. » Il parle de la bataille des Ardennes. On sait maintenant que la réponse, c'est oui. Cette bataille a été cruciale. Pourquoi est-elle aussi importante, cette bataille des Ardennes, Anthony Beaver? Le sort de la guerre était déjà très clair à ce moment. Mais l'importance de la bataille des Ardennes, c'était vraiment la destruction de l'arme blindée de la Wehrmacht. Et ce coup de choc de Hitler qu'il avait lancé menait à une défaite décisive qui avait laissé à Staline et l'armée rouge la possibilité, le mois de janvier, d'attaquer de la Vistule jusqu'à la Loda pendant 2 semaines. Et c'était l'avance la plus vite, la plus incroyable de toute la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, la victoire soviétique devait beaucoup à la bataille des Ardennes. On dit d'ailleurs que le grand gagnant de cette bataille des Ardennes, c'est Staline, qui évidemment n'en fait pas partie de cette bataille, mais c'est lui qui en profite. Exactement. Ouais. Parce qu'en fait, pour bien comprendre, ce front de l'Est, Hitler l'abandonne un peu en... Votre livre, en fait, vous parlez d'un Watou. Il y a ça. Je parlais de coup de poker il y a un instant. Hitler... décide d'attaquer à nouveau le front ouest en délaissant donc l'Est, en mettant tout le paquet sur les Ardennes. Pourquoi il fait ça? L'idée de Hitler était de concentrer à une force de à peu près une trentaine de divisions pour une attaque, une contre-offensive inattendue. Mais s'il l'avait dirigé vers l'armée rouge à l'est, ça aurait été complètement étouffé par la supériorité énorme des soviétiques. Mais à l'Ouest, il avait cette idée, ce rêve, franchement, qu'avec un grand choc, il pouvait briser l'alliance et peut-être même forcer les Anglais et les Canadiens de sortir de la guerre même. Son idée était d'attaquer des forêts des Ardennes, de tourner vers le nord et de couper les Anglais et les Canadiens dans le nord et de forcer une évacuation comme à Dunkerque. Ouais, donc, autrement dit, couper les troupes alliées en deux avec une zone qui serait à nouveau occupée par l'Allemagne, se rendre à Anvers aussi, ça c'est important pour lui d'avoir accès à ce port et de couper cet accès aux forces alliées. Oui, exactement ça. Mais ces généraux n'étaient pas du tout convaincus. Ils savaient très très bien qu'ils n'avaient pas vraiment la force pour défendre le couloir qui menait sur 200 kilomètres jusqu'à Anvers. Et ils savaient très très bien que ça serait très facile pour les Alliés de le couper après. Mais Hitler refusait d'écouter leurs soupçons, leurs craintes sur ce projet fou, franchement. C'était vraiment perdu d'avance, c'était vraiment fou, parce que sur papier, il y a quand même une logique, mais dans la réalité, c'était perdu d'avance, cette bataille, pour lui? Oui, la réalité. La seule chance était une panique complète de la part des Américains. Et ça, c'est pourquoi le 12 décembre, Hitler avait fait venir tous ses généraux, ses chefs militaires, pour leur dire qu'il fallait créer un choc par la brutalité, par la cruauté, parce que il voulait complètement une panique s'aimait dans les armées américaines. Mais bien sûr, il y avait beaucoup qui ont fouillé, qui avaient paniqué, mais il y en avait eu assez qui avaient vraiment gardé leur position dans des villages, dans des carrefours, pour ralentir l'attaque. Mmh. Et le momentum n'avait jamais été atteint par les attaqueurs. Il mise en fait sur l'effet surprise, sur la météo aussi, parce qu'évidemment, c'est en janvier que ça se passe, décembre-janvier. Mais Eisenhower, contrairement à ce qu'Hitler pensait, va réagir très, très rapidement, en fait. Va déployer va mettre le paquet, là, va déployer ses troupes pour tenir dans cette bataille. Oui, Hitler avait très mal calculé des différents points de vue, c'est-à-dire avec le météo, il voulait des ciels nuagés, etc., pour cacher ses troupes dans les forêts des Ardennes. Mais en même temps, il y avait eu une pluie incroyable pendant l'automne et l'hiver. Et il avait sous-estimé les difficultés pour les chars d'avancer parce que la boue était tellement épaisse, tellement profonde. Et donc, c'était très difficile de ce point de vue. Et aussi, il avait sous-estimé les Américains. Et il pensait qu'ils n'étaient pas vraiment des bons soldats, qu'ils n'avaient pas le courage de tenir. Et il avait aussi sous-estimé la possibilité des Alliés de réagir très, très vite. Et Eisenhower avait pris une décision cet après-midi, l'après-midi du 16 décembre. Et déjà, les renforts avaient commencé à arriver. Oui. Il reste que donc, au début, ce fameux 16 décembre, c'est le début des hostilités. Et au début, ça va plutôt bien. L'avantage est aux Allemands. Ils sont supérieurs sur le terrain, il faut le dire aussi. Oui, absolument. La première journée, vraiment, c'était un grand choc. Les Alliés n'avaient pas imaginé que les Allemands étaient capables même de lancer une contre-offensive d'une telle force. Ouais. Mais ça va basculer assez vite avec l'aviation hein, qui est très très forte du côté des Alliés. On écoute un petit film d'actualité, un montage, Monsieur Beaver, Anthony Beaver, de ces films d'actualité qu'on diffusait à l'époque dans les cinémas, qui nous parle un petit peu justement à la fois de ce revirement quand les Alliés commencent à reprendre le terrain perdu dans les premiers jours aux mains des forces allemandes, et qui nous parle aussi des conditions difficiles, météo. Mais les victimes aussi, qui seront très, très nombreuses dans cette guerre, dans cette bataille des Ardennes. Dans les Ardennes, malgré la rigueur de l'hiver, les armées alliées continuent à refouler l'ennemi vers ses positions de départ. Après la boue, Le gel est l'ennemi numéro 2 du soldat. Sur les routes, les chars patinent et dérapent. Mais l'avance continue. Ces canons sont allemands, mais ils ont tourné kazakh, ou plutôt tourné culasse. On les utilise maintenant contre ceux qui s'en servaient hier. Et en somme, les résultats ne sont pas si mauvais. À travers la neige, les Alliés regagnent peu à peu le terrain qu'ils avaient cédé. Et voici les premiers morts. Des enfants, des femmes. L'ennemi avait repris un village, il a laissé un cimetière. D'autres cadavres. Les Allemands ici ont assassiné des prisonniers américains. À mesure qu'on les repousse, ils sèment derrière eux leurs traces sanglantes. Alors, Anthony Beaver, il y a beaucoup de choses dans cet extrait qu'on vient d'entendre, la grande violence, la sauvagerie de cette bataille. On va y revenir, parce que ça, vous en parlez dans votre livre. Mais d'abord, un petit mot sur la météo. On l'entend, là, vous en aviez parlé vous-même il y a quelques minutes de cette boue, mais c'est l'enfer, cette bataille-là, sur le terrain, sur le plan météo. On est, encore une fois, je le rappelle, en décembre-janvier, là. Oui, au début, il y avait des nuages et beaucoup de pluie, mais à partir du 23 décembre, ce qu'on appelle a Russian High, c'est-à-dire un temps très froid, très calme, avec le soleil, mais où les températures sont tombées à moins 20 degrés. Et c'était pendant cette période que l'aviation alliée pouvait commencer à attaquer les Allemands. Mais l'importance était d'attaquer le train allemand parce que c'était la manque de nourriture, d'obus, de munitions, etc., qui faisait vraiment l'effet sur les Allemands. Et bien sûr, la manque d'essence. Oui. Donc, les affamer en quelque sorte, couper l'approvisionnement du côté allemand. Mais vous l'avez dit, le point tournant, c'est ce ciel clair, d'un bleu limpide parce qu'il fait très froid et qui permet à cette si forte aviation des forces alliées de faire le travail. Oui, et aussi bien sûr de parachuter des provisions aux troupes à Bastogne qui étaient encerclées par les Allemands, parce que Bastogne était vraiment vraiment clé au sort des événements. Mais les chasseurs-bombardiers, les chasseurs pouvaient attaquer les Allemands, c'est sûr. Mais les effets n'étaient pas aussi efficaces comme on avait cru dans le passé. C'est-à-dire, beaucoup moins de chars ont été détruits par l'aviation alliée qu'on pensait. Ah bon? Il reste que les Alliés vont reprendre le terrain perdu, vont la gagner, cette bataille, mais ce sera très dur, de nombreuses victimes, une sauvagerie dont vous parlez beaucoup. Vous avez fait des études vous avez documenté tout ça dans le livre que vous venez de publier. Ce sera d'une grande sauvagerie, des deux côtés d'ailleurs. Du côté des Allemands, probablement, puis je vous laisse nous en parler, mais le facteur frustration, ils perdent la bataille, mais c'est plus qu'une bataille qu'ils perdent. Ils savent bien qu'ils sont en train de perdre la guerre. Et ça, on va le voir dans le comportement des troupes allemandes. Comme je disais, Hitler voulait utiliser la brutalité, la cruauté comme une arme de guerre. Et la division SS, de la première division blindée SS, avait commencé dès le début en tuant des civils et des prisonniers de guerre tout de suite. Le pire, bien sûr, le plus connu, était le massacre de Malmedy, où ils avaient tué 87 prisonniers américains. Ils n'étaient pas même armés, ils les avaient pris prisonniers, ils les avaient assassinés à côté de la route. Le moment que cette nouvelle a été répandue pour toute l'armée américaine, tout le monde, et même les généraux, voulaient prendre une vengeance sur les SS. Et donc, à partir de ce moment, il y avait très peu de SS qui ont été pris prisonniers par les Américains. Et il y aura du côté des Américains, en fait, peut-être un petit peu l'équivalent de Malmedy dont vous venez de nous parler, c'est Chenogne. Oui, Chenogne était un tout petit peu différent parce que ce n'était pas de la vengeance contre les SS. C'était le genre de crime de guerre qui est arrivé souvent dans toutes les campagnes où des soldats d'une division blindée qui venaient d'arriver, qui n'étaient pas expérimentés. Et ils ont été vraiment battus un peu par les Allemands et ils avaient pris des prisonniers et par frustration, par exaspération, ils avaient commencé à tuer leurs prisonniers. Donc, ce n'était pas une tactique. De la part des SS, c'était vraiment une tactique de guerre. Ouais. De la part des Américains, c'était vraiment soit une vengeance ou, dans certains cas, il y avait aussi un élément que c'était compliqué de prendre des prisonniers si vous étiez une unité blindée et vous n'aviez pas assez de soldats pour les garder en les envoyant à l'arrière. Mmh. Parlons un petit peu de l'effet que ça aura sur la population locale, sur les civils. Ce sera aussi très, très difficile, cette bataille des Ardennes, pour les Belges qui vivent dans cette région. On écoute les témoignages de Raymond Gaspard et de l'abbé Georges Galland au micro de la RTBF en 1995. Oh, c'était vraiment la misère. On dormait par terre sur de la paille. On avait mis de la paille. On était lités comme le bétail, quoi. Et on souffrait de la gale. Il y avait des poux. Bien entendu, la malnutrition, au départ, on n'avait pas grand-chose, quoi. L'humidité? L'humidité, oui. Quand il pleuvait, étant donné qu'il n'y avait plus de toit au-dessus de la voûte, il pleuvait pratiquement comme à l'extérieur, quoi. Il faut bien vous dire qu'il y en a qui sont restés pendant 6 semaines dans des caves assis. Assis, sans pouvoir se coucher ici à Bastogne. Il y a des gens qui, pendant 6 semaines dans les villages, pendant 2 mois, ont couché sur des tas de pommes de terre, ont couché sur des bottes de paille. Les gens n'avaient pas d'eau pour se laver. Et alors, les gens, beaucoup les personnages avaient des jambes gonflées de rester assis. Hein. Et les enfants, évidemment, qui circulaient un petit peu plus, mais qui ont été victimes aussi de la situation sanitaire, ont eu la gale, une maladie qu'on ne connaissait plus depuis longtemps dans nos régions. Ça se grattait partout, et puis même les bêtes, les poux y sont mis. Et alors, les Américains distribuait une espèce de poudre. Là, nous en avions plein dans les habitations. On saupoudrait les vêtements, on saupoudrait les enfants avec ces poudres-là contre la gale. Alors, Anthony Beaver, ce sera très, très dur, cette bataille des Ardennes, pour les Belges eux-mêmes. Comment ça va se passer pour les populations locales? Oui, la souffrance des civils belges était épouvantable. Mais il faut aussi être rassuré, franchement, que les Américains avaient fait évacuer la grande majorité des fermiers, des villageois, parce que sinon, les pertes civiles auraient été beaucoup plus importantes que la réalité. Mais dans les caves, dans des cavernes, et quelquefois même dans les bois, dans la neige, la souffrance des civils était vraiment quelque chose de choquant. Ils ont aussi souffert, bien sûr, le pillage des Allemands qui les avaient fait sortir de leur propre maison et foyer. Aussi, il faut dire qu'il y avait des troupes alliées qui sont comportaient très mal. Aussi, il y avait des... ils sont rentrés pour trouver leur maison détruite, ruinée. Les villes étaient complètement écrasées. Quelques villes, Saint-Vite, pas mal d'autres, Saint-Roch, etc. Ces villes étaient tellement écrasées que c'était impossible d'avoir de l'eau, de l'électricité, etc. pour des mois après la guerre même. Ouais, ils s'en souviennent. On comprend bien pourquoi le souvenir est encore vif chez cette population belge qui a connu cette bataille des Ardennes. Un tout petit mot, Anthony Beaver, sur la participation canadienne à cette bataille. Je ne sais pas si les Canadiens faisaient si peur aux Allemands, mais dans les faits, quelle sera l'importance de la participation canadienne à cette bataille des Ardennes? Bien sûr, la grande majorité des unités canadiennes étaient dans le nord, en Hollande, dans le nord. Mais en Belgique, dans les Ardennes, il y avait un bataillon de parachutistes canadiens qui faisait partie du 6e division parachutiste britannique. Et c'était un bataillon très connu par son courage et son comportement. Je dois dire qu'il y avait pas mal de parachutistes anglais qui avaient vraiment saqué les maisons, etc. Et il y avait pas mal de plaintes de la part des Belges après. Mais je n'ai jamais vu des plaintes contre les Canadiens, le bataillon de parachutistes canadiens. Bon. Je reviens sur le titre de votre livre, Anthony Beaver, Ardennes 1944, le Vatou d'Hitler. Vous le disiez au tout début de cette émission, c'est un pari qui était plus que risqué, qui était presque perdu d'avance. Quand même, il tentera ce grand coup avec la bataille des Ardennes. Ça va lui coûter très cher. Qu'est-ce que veut dire pour lui? Quel sera l'impact pour les forces allemandes de cette défaite dans la bataille des Ardennes? Les pertes allemandes étaient très élevées, c'est-à-dire probablement jusqu'à 90 000, un peu comme les Américains, parce qu'il faut se rappeler, il y avait beaucoup de prisonniers américains pris pendant les trois premiers jours de l'offensive. Mais l'importance pour les Allemands était vraiment la quasi-destruction de leurs forces blindées, et ça avait vraiment changé le jeu. Quand il s'agit de la grande attaque soviétique le 12, 13, 14 janvier, quand les forces, les fronts bélorussiens et ukrainiens avaient attaqué vers Berlin. Donc Hitler, au fond, en mettant le paquet sur les Ardennes, renonce, anéantit finalement ce qu'il lui reste de capacité militaire. C'est un peu ça. Oui, il avait accéléré la fin de la guerre. Au profit des Russes qui entrent donc beaucoup plus facilement. On peut dire que ça a été plus facile et plus rapide que ça ne l'aurait été sans les Ardennes? Ah oui, absolument. Parce que si on calcule que les forces blindées, toutes les divisions blindées allemandes avaient été envoyées au front de l'Est, l'avance soviétique le mois de janvier n'aurait été jamais aussi facile. Anthony Beaver, spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale, auteur de nombreux livres, dont Ardennes 1944, le Vatou d'Hitler, qui vient d'être publié tout récemment aux éditions Kalman-Lévy. Merci infiniment, M. Beaver. Merci à vous. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.